Retro Nouveau. Hello! Bienvenue à ce 9e épisode de Rétro Nouveau. Pour commencer ça, Dominique, je pense que tu avais un courrier du cœur. Courrier du cœur, encore une fois, dans ce nouvel épisode. Je veux parler d'un autre de nos auditeurs. Un jeune, écoute, il s'appelle Olivier Girard. Je vois souvent son nom. Très présent dernièrement. Ouais. Puis j'ai chatté un peu avec là, sur Facebook. Et puis j'ai découvert que ce gars-là a 13 ans, d'ailleurs. Donc, ça fait drôle de parler à un enfant de 13 ans. Oui, c'est ça. Excuse, Olivier, t'es pas un enfant. Il y a comme moins que la moitié de ton âge. C'est ça. Hey, imagine, il est né en 1998, tu sais. Ah! Tu peux être né en 90, moi, en tout cas. Caline, je suis sur le marché du travail en 98. Ben ouais, c'est ça. Hey, moi, j'étais au cégep. Imagine tout ce que je faisais. Quand ce gars-là est venu au monde, je devais être en train de boire. Boire une Carling extra forte. Donc, je voulais en parler parce que, écoute, il est cool ce gars-là. Ouais, mes années de cégep, elle était quand même arrosée. Faut se payer du bon temps. Ah ouais, c'est ça. Il est pas cher. Donc, ce gars-là, il est bien cool parce que c'est un collectionneur déjà à 13 ans. Oui, j'ai vu ça. Ça m'a vraiment impressionné. Oui, il m'a renvoyé vers son album de photos sur son profil Facebook, qui a une belle étagère Nintendo, qui a de la Super NES jusqu'au 3DS. Là, j'ai vu qu'une de ses amies de filles, à chaque photo qu'il a mis, tu sais, une de ses amies de filles écrivait en dessous, en comment, pourquoi tu mets ça sur Facebook? Pourquoi tu mets ça sur Facebook? Moi, je te dis, Olivier, écoute pas ton amie de fille, même si elle trouve ça cave, les jeux vidéo. Là. Continue à collectionner, mon jeune ami. Il y en a qui comprendront jamais. Les filles comprendront pas. Non. Puis, écoute, ça m'a impressionné parce qu'il y a quand même du stock pour un gars de 13 ans. Je sais pas s'il prend son argent, il faut qu'il travaille. Ça coûte pas, c'est pas gratuit, un Super Nintendo. Il y avait pas de jeu, une 3DS, tu sais, sûrement que ses parents en achètent, là, mais je suis pas mal sûr qu'il a travaillé fort lui-même pour s'en acheter. Peut-être un camelot, ou je sais pas. Ben, probablement, une affaire de même. Un job-in. Puis, écoute, il y avait une Nintendo 64 spéciale Pokémon, j'avais jamais vu ça. Une 3DS, une DS, il y avait tout, là. Fait que moi, je trouve ça bien. Imagine commencer à collectionner à cet âge-là, tu sais, c'est vraiment bien parce que tu vas avoir ton stock plus tard. Ça va être fou, là. Ouais. Quand lui a acheté son Super Nintendo, mettons qu'il l'a acheté à 13 ans, tu sais, moi aussi, j'ai un Super Nintendo à 13 ans, mais tu sais, comme 28 ans. Bon sens, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'aime ça. C'est un peu déprimant pour nous. Ben ouais, ben, faut pas checker ça. Là, mais ça m'a bien gros impressionné de voir qu'un gars de 13 ans pouvait s'acheter un Super Nintendo. Non, c'est vraiment cool. Puis, thumbs up. Puis, je le répète encore, achetez aujourd'hui les jeux que vous voulez dans votre collection plus tard. Oui. Comme El Shaddai qu'on parlait tantôt. Oui. Ou je sais aussi que tu es un grand fan de Vanquish. Oui. Qui est un jeu qui est vraiment passé en dessous de tous les radars. Ben, t'es carrément. Dame de fun jouer jeu beaucoup aimé aussi, oui. Qui va sûrement devenir un hidden gem pas trouvable parce que c'est très bon, oui. Tout le monde, personne n'a vraiment. Mais tu sais, c'est quand même, j'ai fait une critique à Machinette dernièrement, Shadows of the Dam, ouais. Qui a été créé entre autres par le créateur de Resident Evil, puis j'ai appris en faisant ma recherche que ce créateur-là, ben c'est lui qui est derrière Vanquish, fait que c'est pas n'importe qui, là, c'est vraiment, Vanquish, là... Caline que c'est bon, c'est écœurant. Là. Achetez-vous ça. Achetez-vous. Puis gardez-le dans votre collection. Plus tard, dans 20 ans, là, ça va être très difficile à trouver. Puis le monde, ils vont le vendre 4 fois le prix d'aujourd'hui. Totalement. Vas-y, au micro-play aujourd'hui, ils doivent le vendre quoi, 15$, j'en ai. Ben, c'est comme moi, il y a Rez, qui est un de mes meilleurs jeux sur PS2. Maintenant, c'est impossible de le trouver. Là. Mm. Puis il y a des moments où on pouvait le trouver là, à 10$ parce que personne ne voulait jouer à ça, personne ne savait c'était quoi. Ouais. Maintenant, tout le monde se l'arrache. C'est un hit culte. Fait que non, faut garder certains de ces jeux-là quand même. Si vous voulez, là, en tout cas, si vous collectionnez un petit peu, là, vraiment, faites attention. Puis, c'est ça. Donc, bravo, Olivier. Continue de nous maintenir au courant de tes achats. Moi, ça m'a bien gros impressionné. Totalement. Puis, sur un autre ordre d'idée, parlant de rien, c'est vraiment un autre ordre d'idée. Je suis allé chercher mes jeux de 3DS gratuits de Nintendo. Oui, puis, moi aussi je suis allé en passant. Ouais, t'es allé. Ben, c'est correct, mais tu sais, je sais pas. je pensais à avoir un petit peu plus. Ça m'a comme rien fait. Ça m'a rien fait. Non, c'est vraiment, là, j'étais comme, oh yeah, tu sais, je les ai dans... C'est pas évident à downloader, sur le coup aussi. Il a fallu que j'aille voir par où passer. Ouais. Là. Mais bon, un coup que c'était fait, je suis comme, yeah, bon, ben, hey, man, je me pars une game de Balloon Fight. Là, tu sais, je joue à Balloon Fight. Puis là, bon, je me rends compte, j'ai joué pas mal à Balloon Fight quand j'étais petit. Puis ouais, c'est pas long que, bon, je vais rejouer à d'autres choses, je pense. En tout cas, je suis content de les avoir. J'ai découvert Yoshi aussi, c'est correct. Ah, j'aime pas ça, moi, mais... Yoshi. Alors, t'as pas aimé ça. Puzzle de Yoshi, là, j'ai jamais aimé ce jeu. Ah, ben, j'ai pas joué longtemps, là. Ouais. Mais, tu sais, je trouvais ça... Ben, peut-être c'était le fait que ça soit nouveau pour moi. Ouais. Comme, ah, ben, c'est nouveau, tu sais. Mais, bon, puis il y avait NES Open Golf aussi. Ouais. J'avais lu dans la Bible des 1001 jeux que tu dois jouer avant de mourir. Il était là-dedans. Puis je l'ai découvert, dans le fond, que c'est exactement la même affaire que Golf, l'original de NES, mais avec Mario puis une coupe de... Mais il y a un côté RPG un peu dedans, fait que... Ouais. Parce que tu peux mettre à niveau certaines affaires, puis... OK, OK. Là, c'est pas rendu assez loin, vois-tu. Non, c'est ça, mais... Tu sais, moi, il y a une affaire là-dedans qui est vraiment bizarre, c'est peut-être psychologique, mon affaire, mais quand j'ai des jeux de Nintendo, je veux jouer sur une TV. Ouais. C'est vraiment bizarre, là, ben, mais... C'est ça, j'ai pas aimé ça ben de jouer sur un petit... Parce que là, t'as les, ce qu'ils appellent les sprites, finalement, t'as vraiment le graphisme dans la résolution natale, finalement. Ouais. T'as la résolution de base, puis là, c'est tout petit dans ton écran, c'est tout crisp, puis... Je le sais pas, t'as comme pas le même feeling que d'habitude, pas en tout. Puis moi, je sais pas, quand je joue à un jeu comme ça, comme Balloon Fight, là, c'est le fun de jouer à deux. Une demi-heure sur la TV avec. Jouer à deux de direct dans TV comme ça, c'est vraiment le fun de jouer à ça. C'est super le fun. Mais tu es seul dans ta 3DS, dans ton lit le soir. C'est un peu triste. Tu sais, plate un petit peu, tu sais, vraiment. Puis je me demande, on peut-tu jouer à deux? Tu peux sélectionner deux. Puis là, moi, je l'ai mis, je jouais à deux. Le deuxième était à terre, faisait rien. Là, est-ce que j'ai pas personne autour de moi qui a une 3DS? Hey, je suis... Non, mais comment est-ce qu'on fait ça s'ils n'ont pas pensé à ça? Ben, ils n'ont peut-être probablement pas pensé à ça. Hey, ça, c'est vraiment... des parts directes. C'est des parts directes. Fait que je vois pas comment est-ce qu'ils l'ont... Tu sais, ils ont sûrement pas pris le temps de rentrer ça dans... En tout cas. Mais moi, ma question, c'est que maintenant qu'ils ont mis ça sur le marché... Là, on va-tu en avoir d'autres jeux de Nintendo, tu sais? Parce que là... Ben, on a juste des jeux de Nintendo, tu sais. Ouais. On n'aura pas Contra 1, on n'aura pas Darkwing Duck, c'est le Capcom. T'auras pas Battletoads, tu sais, t'auras pas Double Dragon. Ben, en tout cas, je dis ça, j'ai vraiment pas l'impression qu'on va en avoir. Là. Parce que là, ils te donnent ça, t'es comme, OK, on te donne ça. C'est facile pour eux autres de donner ça, ils l'ont déjà, tu sais. Ils ont pas besoin de dealer avec Konami, les droits de l'affaire pour le donner. Ils l'ont, même. Ils le donnent, tu sais. Non, pis c'est un rhum, là, tu sais. Ouais, c'est comme ce que tu dis, tu sais. Le deuxième joueur, il est pogné sur le plancher, il fait rien. Ben ouais, c'est ça. Je suis persuadé qu'ils ont fait comme, donnez les dons à 10 jeux, là. Ah ouais, ils sont déjà dans la machine, puis that's it, là, ça va peser 50K, puis ils vont être contents, tu sais. Ben, pour la Game Boy Advance, ça va avoir plus la peine, tu sais. Moi, j'étais content de les avoir, mais fait que, tu sais, c'est vraiment juste nous donner ça, tu sais. C'est correct, là, Mario Bros, tu sais. Ouais. Moi, je joue plus à Mario Bros, là. Je veux pas jouer à ça, tu sais. J'ai même trop joué dans ma vie, là. Je m'en sac. Non, c'est ça. Je suis content, je m'en crisse. Moi, à limite, j'aurais aimé ça qui donne des jeux obscurs, mais c'est... On se sent comme des espèces de gros chialeux, mais c'est parce que c'est... Ben, je suis pas chialeux, tu sais, j'ai acheté 3DS, je suis content, je n'avais pas Nintendo ni rien, mais tu sais, bon, OK, tu sais... Mais c'est parce qu'une fois qu'ils te donnent ça, là, tu y joues, puis tu fais... Ouais, finalement, j'aurais peut-être aimé d'avoir d'autres choses. On était tous excités avant, c'est comme si c'était un gros cadeau, puis là, t'es comme... Ouh! Oh. Je sais qu'il y a plein d'affaires dedans, là, tu l'ouvres, tu fais comme fuck, c'est des bas encore, tu sais. T'as l'impression de t'être fait avoir un peu, tu sais. Ouais. Mais c'est dommage. Puis je voulais en parler un peu de la 3DS maintenant que tu amènes ça parce que moi, la 3DS, je sais qu'on est plus ou moins d'accord là-dessus. Moi, je considère que jusqu'à date, c'est pas que c'est un flop, mais c'est pas très réussi. Ben, c'est pas réussi parce qu'il y a pas de jeu. Il y a pas de jeu, tu sais. Puis moi, j'avais fait la critique de la console à Monsieur Net. La console, je la trouve merveilleuse. Là. Ouais. Elle est écœurante. C'est vraiment là, une belle console portative. Puis c'est vraiment la meilleure que Nintendo a faite jusqu'à maintenant. C'est top notch, tu sais. Sauf que il y a pas de jeu, vraiment pas de jeu. Puis tous les jeux. Tous les jeux qui sont supposés être intéressants pour le monde, qui ne sont pas des ports, en passant, que je vois pas personne dire « Ouais, mais il y a Star Fox. » Fuck that, Star Fox, c'est un port. C'est un port, celui-là. Ben, Street Fighter est supposément très bon. Street Fighter est super bon. Mais c'est bon, qu'est-ce qui a été encore des jeux de fighting. T'sais, moi, j'aime exact. Ça, t'sais, mais boy... Mais Street Fighter, le jeu de soccer aussi pèse. Et moi, je suis pas un... Si tu pèses, ouais, je pense que oui. Tu sais, je suis pas un fan de jeux de soccer non plus, jeux de sport, donc ça me touche pas vraiment. Mais en même temps, quand t'es obligé de chercher vraiment des jeux comme ça, je trouve ça dommage. Puis en plus, là, Kid Icarus est encore reporté. Ouais. J'ai lu d'ailleurs qu'il était reporté, le gars qui travaille là-dessus, il est supposé faire Smash Bros pour la Wii U, puis il dit, écoute, tant que j'ai pas fini Kid Icarus, tu sais, il y aura pas de développement sur Smash Bros. Tout retarde. Mais là, avec du recul, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ont sorti ça à un prix épouvantable avec pas de jeu si tôt, tu sais? Probablement parce que la Wii était déjà vieille comparée aux autres, fait qu'il fallait qu'ils refassent un prix. Exact. Là, ils se sont dit, écoute, c'est nous autres les masters là, du portable, fait qu'on va sortir ça, puis ça va être malade. C'est clair que le monde va acheter ça les yeux fermés. Puis, pas tant, finalement. Donc, pas tant. Puis en plus, on a vu l'espèce de périphérique qui va s'ajouter à la 3DS pour avoir un deuxième joystick. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Ça va se tenir tout croche, cette affaire-là. Premièrement, qui met un deuxième joystick à droite des boutons? C'est impossible que ça fonctionne. C'est fait pour Monster Hunter 3. D'après moi, ça va être pour ce jeu-là. Puis, mis à part ce jeu-là, pas sûr que vraiment Nintendo va embarquer dans cette aventure-là. Puis, j'ai même l'impression que le redesign de la 3DS n'est pas totalement effacé, là. Il y a du monde qui ont vu ce périphérique-là et qui se sont dit ah, c'était pas un redesign, c'était juste ça. Ouais. Moi, je pense que c'est encore des plans. Je pense que. Il n'y a même pas de jeu encore qui vont être redesignés. Mais je pense qu'il y a dans les plans de donner une console évoluée, genre de donner la 3DS, mais à un autre niveau. Faudrait qu'ils fassent de quoi. Déjà qu'ils ont attiré le monde avec leur programme d'ambassadeur, dont moi. Ça me dérangeait pas de payer 30$ de plus pour avoir 20 jeux gratuits. Mais là, si en plus ils sortent une autre version avec un autre joystick dedans, puis c'est supposé être meilleur, c'est pour ça que je l'achète. Ça se peut, parce que ils ont sorti la Nintendo DS. Après ça, ils ont sorti la DSi. Ouais, mais ça, ils ont juste rajouté un Kodak. Attends, là. Ils sont fous de ça. Il y a un Kodak, mais si tu es sur la Nintendo DS, tu peux pas télécharger de DSiWare. Ouais, ouais. Donc, il te faut une DSi. Après ça, ils ont sorti la DSi XL. Puis là. Elle était juste plus grosse, celle-là. Oui, était juste plus grosse. Puis la batterie dure un peu plus longtemps. Ouais. Parce que la 3DS a un gros problème, la 3DS en passant. Hey, cette batterie-là meurt en 2 secondes. La batterie, elle meurt vraiment rapidement. Mais ça continue. Mais, tu sais, malgré ça, je tiens à dire, tu sais, j'adore Nintendo, les jeux qu'ils font. Je veux dire, il n'y a personne d'autre qui fait ce genre de jeu-là. Donc, il y a vraiment de quoi d'intéressant avec Nintendo. Sauf que j'ai l'impression que la 3DS. À toutes les fois où on a l'impression que ça va être, c'est comme, alright, ça y est, Nintendo, son sacoche, puis long, il se passe tout le temps une affaire de même. Il y a tout le temps quelque chose pour décevoir le public. Là, justement, le programme des ambassadeurs, il avait dit qu'il allait avoir 10 jeux de Nintendo, après ça, 10 jeux de Game Boy Advance. Les 10 jeux de Game Boy Advance, c'est pas arrivé encore. Non, moi, je pense que ça a dû arriver d'un. C'est long de faire ça, je penserais pas. Là, c'est pas long, c'est vraiment pas long. Et je sais qu'il y a des parts qui sont beaucoup plus compliquées, comme, mettons, sur le PlayStation, mettons, ils vont essayer d'amener Parasite Eve sur le PlayStation 3. Ben, il y a plein de choses qu'il faut qu'ils fassent. Il y a des droits. Il y a les contrôles, il y a comme une grosse conversion à faire qui fait que c'est plus long. Même à un moment donné, sur PlayStation Blog, vous rechercherez ça. À un moment donné, ils ont expliqué le processus au grand complet. OK. Puis tu regardes le processus. Bonne façon de fermer la gueule au monde. Exactement. Ben oui. J'ai commencé à lire, puis j'ai fait OK, ouais, finalement, oublie ça. OK, je comprends. Vous avez raison, c'est bon. C'est ça, tu sais. Mais Nintendo, c'est quand même plus simple. Là. Je veux dire, on parle pas d'un jeu de PlayStation, d'Xbox. C'est quand même des jeux qui sont beaucoup plus simples. Ouais. C'est beaucoup plus facile à porter sur une machine qui a exactement le même nombre de boutons. Donc, je sais pas, tu sais, c'est dommage. J'ai hâte que Mario Kart sorte, mais encore là. Ah, mais moi, je m'en fous un peu de Mario Kart en même temps. C'est ça. Tu sais, mettons, tu l'as, ça, oui. Tu ne vas pas l'acheter nécessairement, c'est ta 3DS, même si ton bonhomme, il va dans l'eau, il vole dans les airs. Kid Icarus, c'est vraiment différent. Ouais. Ça, oui. Moi, mais... j'ai hâte à Mario Kart parce que je suis accro en tabarnouche à Mario Kart. Tu sais, parce que tu joues. Le jeu en ligne de Nintendo, c'est Mario Kart. Ouais. Ça marche. Ouais, là, ouais, ouais. Puis c'est le seul jeu en ligne de Nintendo vraiment qui est aussi fiable que ça. Fait, ça, c'est cool. Sauf que, tu sais, là, t'as quoi après ça? T'sais? Ça va être super long. On a déjà de la misère à sortir ça. Après, ça va être quoi les jeux l'année prochaine? Là, ben là, il y a eu une trilogie Bit Trip. Ouais. Bit Trip, ils ont sorti la trilogie de leur jeu sur la 3DS, mais encore là, c'est un autre port. C'est tout le temps des ports de choses qu'on a déjà joué si on est gamer. Fait que ça, c'est vraiment décevant, tu sais. Puis ce qui s'en vient l'année prochaine, je veux dire, si on parle de Nintendo comme tel, le gros jeu, c'est vraiment Kid Icarus Uprising. Metal Gear Solid s'en vient l'année prochaine, ça s'en viendra pas cette année. C'est un port, ça, encore une fois. Ben, c'est encore c'est une Snake fois Eater, un port. C'est un port. Mm. Star Fox, c'est un port. Tu sais, fait que là, présentement, j'ai même l'impression que la plupart des gens qui ont une 3DS vont aller acheter Kirby Mass Attack, tu sais. Ouais. Mais moi, c'est ça. Mais moi, je vais jouer sur ma DS parce que je trouve. Ouais. J'ai Metal Slug. J'ai joué à Metal Slug sur ma 3DS. Metal Slug 7, qui est un jeu de DS. Le rendu n'est pas le même, hein? Non! Non. C'est pas pareil. Ouais. C'est comme. C'est plus flou. C'est moins tête. C'est ça. Ça m'a choqué. Mais il faut que ça m'a choqué, man. Oui. Mais là, il faut que je cherche parce que. Puis d'après moi, ils vont sûrement régler ça avec une mise à jour parce que sur Internet, j'ai vu, il y a une fille de. Je pense que c'est une fille de Joystick ou de Kotaku. Qui a trouvé la recette pour que les jeux de DS ressemblent, soient exactement le même ratio puis la même qualité sur une 3DS. Il va falloir. Il y a un truc. Ben oui. Sauf que c'est ça, tu sais, ça devrait être évident. Tu mets ta cartouche de DS puis c'est le bon rendu. Parce que moi aussi, je m'en suis rendu compte, je jouais à Okamiden là-dessus. Ouais. Puis c'était flou. Je trouvais que c'était super beau, tu sais. Fait que, bon, bref, me suis arrangé, mais c'est ça, tout ça pour dire que la 3DS, moi, j'ai... Ils vont-tu faire les Castlevania là-dessus, qui a été, tant qu'à moi, tu sais, les trois sur le Advance, les trois sur le DS, c'était des gros titres, ça, ils étaient bons, tu sais, puis contre 4. Et ils vont-tu venir, ces jeux-là? Des compagnies de Capcom, de Konami, ils vont-tu en faire? Ils vont peut-être venir, mais si on regarde le rythme, Street ça Fighter, va, déjà, tu sais, mais ça va en prendre d'autres, là, ils sont même annoncés une coupe bientôt. On dirait qu'ils n'en développent pas des jeux pour la 3DS, ben, à moi, part celui-là de Nintendo. T'sais. Ouais, mais moi, d'après moi, c'est que le développement se fait vraiment maintenant. J'ai l'impression que les développeurs se sont fait couper l'herbe sous le pied un peu, puis ça fait comme, on la sort maintenant, puis on fait comme, hein, on la sort maintenant, comment ça se fait, tu sais? Puis eux autres, ils étaient encore en train de développer leurs affaires. Nintendo pousse vraiment beaucoup aussi sur la 3D. Ouais. Donc ça, je veux dire, c'est pas rien comme détail. Si tu veux que ton résultat soit intéressant, il y a des jeux pour lesquels ça change beaucoup d'avoir de la 3D. Si on check Pilotwings, c'est le meilleur exemple. Si tu joues sans 3D, tu auras des meilleurs résultats de jeu que si tu joues avec la 3D parce que t'as pas la même profondeur, t'as peut-être de la misère à regarder où est-ce que tu vas atterrir puis tout ça. Des jeux comme Zelda, c'est bien beau, mais ça ajoute pas grand-chose à la jouabilité. Fait que ça, c'est toutes des choses à regarder. Puis aussi, bon, une console portative comme ça, veut pas, il n'y a pas deux joysticks, donc tout le temps des problèmes de caméra, des trucs comme ça. Ouais. On fonctionne pas avec le même processeur qu'une console de maison, donc il y a beaucoup de choses à regarder quand on fait un jeu comme ça. Puis présentement, Nintendo, ça va pas bien. Donc, je sais pas si les développeurs ont peut-être un petit peu de réticence à embarquer dans le projet. Peut-être qu'il y a certains de ces développeurs-là qui se sont dit « on va faire ça avec la 3DS » puis qui tripaient puis finalement, ils sont partis du côté de Sony avec la Vita. Je ne sais pas. J'ai hâte que la Vita sorte parce qu'en même temps, quand la Vita va sortir, ça va donner un bon coup de pied dans le derrière à Nintendo qui va faire comme, ben là, on n'a juste pas le choix. Il faut être, tu sais, game on. Il faut absolument qu'on réussisse. Tandis que maintenant, ils dominent sur le marché, même s'ils ont très peu de ventes. Il n'y a personne d'autre. La PSP est vraiment là, est morte, la PSP. Ouais. Ça ne fonctionne pas. Moi, j'ai fait une belle petite liste. Non, mais j'ai fait une belle petite pierre tombale à ma PSP Go dernièrement. Mais c'est vrai, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pantoute qui sort. Fait que Nintendo domine de ce côté-là. Si c'est pas avec la 3DS, c'est avec la DS. Oui, ils sont encore des jeux de DS. Kirby Mass Attack qui vient de sortir, ça vous le prend. Ça vous le prend, tu sais. Mais bon. Moi, en attendant toute cette utopie de beaux jeux de 3DS, je download des jeux. Puis il y en a des bons, là, quand même. Plants vs. Zombies, Antipodes Carré. Ouais. Cave Story, écoute, c'est malade. Cave Story, c'est malade. Shantae. Ça, c'est le prochain que je vais downloader aussi. Là, tout ça, on peut tout jouer à ça en attendant. Ouais. T'sais, c'est pas 3D, c'est pas. T'sais, mais c'est quand même vraiment excellent. Ouais. C'est pas cher. Fait que moi, ma 3DS, je suis content de l'avoir pour ça, du moins en attendant. C'est ça. Donc. Mais c'est ça. Bref, en tout cas. On a hâte qu'il se passe quelque chose. Nintendo, si vous écoutez, on vous aime en tabarnouche. On veut juste des jeux, Colin. On veut jouer. On est peut-être le dernier bastion du monde qui respecte encore Nintendo. On est sur le bord de perdre la foi. Donc, on est tout seul avec nos drapeaux. Là, comme Nintendo. Il n'y a personne qui nous aime. Tout le monde nous pitche des roches. Ouais. Mais on défend Colin. On défend encore. Moi, je défends Nintendo. Je trouve que toutes les compagnies ont leur raison d'être, toutes leurs compagnie. Ça serait pas pareil, le monde gaming sans Nintendo. Mais non. Même si tout le monde veut juste que ça ferme, là, je m'excuse. Totalement. Mais ça prend Nintendo dans la course. Je pense pas que personne veut vraiment ferme. Je pense que c'est une certaine mode. Ouais, c'est une mode. Je pense que c'est une certaine mode aussi de faire du bashing contre Nintendo. Là, ça, c'est comme le monde qui bash Facebook puis qui sont dessus sans arrêt. Ça existe, puis c'est là. Puis, coudonc, c'est correct. Moi, j'espère que Nintendo... pas va se relever parce qu'ils sont pas à terre présentement, mais j'espère qu'ils vont se ressortir de cette situation-là, que la Wii U va dominer, si ça se trouve. Ça serait le fun. Qu'ils vont prendre leur temps. Je m'en sacre qu'ils sortent plus tard, tu sais. Mais faites de quoi de bon, là. Mais tu sais, un vent de changement, sans que ça soit complètement autre chose que les autres, tu sais. La Wii U, ce qui est intéressant, c'est que là, au moins, il y aurait façon de contrôler la machine. Outre que de se balancer les mains à gauche et à droite pour faire avancer notre bonhomme, tu sais, une manette c'est important, puis de faire comme les autres c'est important. Donc en tout cas, on a hâte. Nintendo, relevez-vous tabarnouche, puis donnez-nous des jeux. Yes. Alors, donc, je vais faire un petit jeu bref, justement, on vient juste de le mentionner. Toi, Bruno, t'en avais déjà parlé à M. Net, donc c'est pour ça que je ne veux pas en parler trop longtemps. Là. Ça a déjà été fait, puis... Oui. Pas Bruno, mais Denis avait bien raison quand il disait que ce jeu-là, c'était de la drogue. Totalement. Plants vs. Zombies, je dois être le seul au Québec qui n'avait pas joué à ça encore. Ben, peut-être pas, il y a encore du monde qui ne connaissent pas ce jeu-là, bizarrement. Ben, je suis allé sur le staff pick du eShop de la 3DS, justement, pour aller voir qu'est-ce qu'il y avait. Puis, habituellement, ils sont assez tight là-dedans. Là. Puis, j'ai essayé ça, Plants vs. Zombies, sans trop savoir ce que c'était. Écoute, man. Je capote. C'est le dernièrement, là, je joue toujours. Comme je disais tantôt, j'ai comme ma 3DS à côté de ma tête d'oreiller, ma 3DS à côté sur Sleep. Tu sais, avant de me coucher, donc un petit level de Plants vs. Zombies. C'est trop facile, c'est tellement le fun. Comment? C'est un tower. On pourrait dire que c'est un tower defense. On peut dire que c'est un tower defense. C'est un jeu de défense de tour, mais c'est une autre façon de le voir. Tu défends ta maison. Tu défends ta maison des zombies en mettant des plantes, finalement. Tu ramasses du soleil, tu sais, puis le soleil, c'est comme du cash, un peu, puis ça te coûte quelque chose. C'est comme ton énergie, dans le fond. Puis ça coûte quelque chose de mettre des plantes, tu sais. Fait que là, tu as une armada incroyable de plantes, tu sais, que tu peux mettre. Il y en a qui font ci, il y en a qui font ça. Ouais. Bref, de tout pour stopper les zombies. Puis les zombies, il y en a de toutes les sortes aussi. Ouais. Fait que c'est juste bien. C'est fait par PopCap, qui sont une compagnie... Moi, je les trouve super le fun, eux autres. J'avais beaucoup joué à Zuma aussi dans le temps sur mon ordinateur. T'avais-tu joué à Peggle? Non, j'ai pas joué à Peggle. Peggle aussi, un excellent classique de PopCap. C'est que PopCap, ils se sont pas cassés la tête. Après, à place de se dire, on s'en va chercher les hardcore gamers, eux autres, ils se sont dit, on va juste chercher juste les casuals, les joueurs occasionnels. Puis, c'est des petits jeux qui ont de l'air de ça. Qui sont ça, mais que Plants vs. Zombies, ça a tellement évolué. Là, parce que c'était pas ça au départ. Ben, c'est pas que c'était pas ça. La base, c'était ça. Puis il l'avait sur. Ça a commencé par un jeu de PC, je pense. Puis au départ, c'était très simple, mais maintenant, tu sais, t'as un mode aventure, t'as des mini-jeux, t'as plus de sortes de plantes que t'en avais auparavant, il y a des gros boss, tu sais. Il y a des, ouais, absolument. Puis, moi, tous les mini-jeux, pour te dire, je joue tellement, ça va faire 3 fois que je passe à travers le jeu. Okay. Parce qu'on ramasse du cash. Oh, oui. Là, j'ai acheté tout ce qu'il y a dans la shop. J'ai passé toutes les challenges. Non, il manque un item dans la shop à acheter. C'est pour ça que je joue encore. J'ai passé toutes les challenges. Puis, ma foi, il y en a qui sont difficiles. Parce qu'il y en a un qui c'est comme... Il y a des zombies qui s'y arrivent en bobsleigh. Puis, il y en a d'autres qui font la Zamboni. Là, ils arrivent en Zamboni. Ils font une traînée de glace. Ils écrasent toutes tes plantes. Après ça, t'as un bobsleigh plein de zombies qui arrivent. Toi, t'es avec ta petite plante, mon gars. Un bledin qui lance du maïs. Là, t'as encore toutes ces Zamboni. Puis, ces bobsleigh-là. Faut que je me défende. Il y en a des vraiment top. Ah oui. Mais écoute, j'ai passé à travers tout ça, puis j'ai du fun, là. Mais ça reste drôle, en plus. Mon fils de 3 ans, il me regarde jouer à ça, puis ça le fascine. Parce que c'est beau, les petites plantes, ils se dandinent, les petits zombies, tu sais, ils sont pendouillants, la gueule, tu sais, puis c'est super beau. Puis une autre affaire qui m'a frappé, qui c'est juste génial, c'est la rédaction de ce jeu-là. Oui. Parce que t'as un almanach dans lequel tu peux lire un descriptif de toutes les plantes, puis un autre de toutes les zombies. Mm-hmm. Puis ils sont allés dans l'humour là-dedans, à fond. Ils disent même pas vraiment, des fois oui, des fois non, mais pas vraiment. Des fois, ils disent pas si ça sert à quoi. Ils disent pas la faiblesse du zombie ou bien la plante, elle est hot dans quoi, vraiment. Et mettons, il y en a une que c'est un genre de piquant que tu mets à terre, tu sais, tu le mets à terre, les zombies pilent dessus. Là, ça dit, Spikeweed, lui, il aime ça voyager en Europe. Il est allé dans les musées, il était bien surpris de voir qu'il y avait des peintures dans les musées. Tu lis ça, mais ça sert à rien, mais c'est tellement drôle, tu sais. Puis, mettons, il y a un gars là-dedans, Joe, qui te vend des affaires, des items, tu sais. Ouais. Puis, mettons, quand t'arrives au boss de fin, il dit, OK, là, mon gars, là c'est malade, là. C'est le boss de fin, là. Il y a une bonne façon de le battre, faut que tu envoies un bond dans un... Ah non, c'est pas ça. Faut que tu fasses en haut, en bas, gauche, droite. Ah non, c'est pas ça. T'sais, là, ils vont chercher des petits twists de même un peu partout. C'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Puis pour sélectionner les mini-games, tu scrolls down dans une genre de tombe, finalement. Ouais. Puis si tu continues à scroller, tu scrolls. Là, d'un coup, il y a des affaires dans la terre, des diamants, des bébites, des squelettes. Là, tu scrolls. Mais c'est super long, ça va nous porter. Là, t'arrives l'autre bord de la terre, t'as des zombies chinois. Ça sert à rien. Mais tous ces petits clins-là, font que c'est juste génial. Ah ouais. C'est un super beau package. C'est sympathique. C'est pas cher. Puis écoute, là, moi, là, mettons, je vais en prison pour 20 ans. Ce jeu-là, là, m'aiderait à passer pas mal de temps. J'avoue. Parce que c'est super addictif. Puis tu réessayes tes plantes, tu essayes des combinaisons. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Ah ouais, vraiment. Donc, pognez-vous ça absolument sur votre 3DS, là, ou même achetez-vous un 3DS. C'est ça. Vous pouvez l'acheter sur l'ordinateur, la DSI, en fait. À l'ordinateur, ou moi, la meilleure version, d'après moi, c'est la version iPad. Ouais. Parce qu'iPad, t'as vraiment la place pour sélectionner tes affaires avec ton doigt. iPod Touch ou iPhone aussi, ça se joue super bien. L'affaire sur la DS que j'ai un peu moins aimé, c'est que des fois... L'écran du haut sert à rien. Hein? Oui, puis des fois t'es un peu serré dans tes affaires, t'sais, pour tout sélectionner et amener ça là. T'sais, l'écran n'est pas assez gros. Donc ça, je trouve ça un peu dommage, mais mis à part ça, le jeu est... C'est juste génial, c'est fantastique. Ouais. Moi, je me suis fait la critique, puis le jeu est plus cher que sur n'importe quelle autre plateforme. T'sais. Ouais. Je pense, neuf, ils vendent 18,99, quelque chose du genre, ils vendent à peu près 20$. Puis sur une autre plateforme, mettons sur le iPhone, il va coûter 5$. Okay. Sur l'ordinateur, même chose, 5$. Donc, c'est sûr qu'il est plus cher. Mais... 10$, me semble, sur la 3DS. Là, ça, c'est ça. Toi, tu l'as acheté en version digitale? Ouais. OK, c'est ça. Ben, mais ça la version. Parce que ça se vend aussi indépendant, juste pour la DS. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, j'ai pas vu ça. J'ai acheté un. C'est ça. Mais là, ils ont fait un port, ça veut dire. Un port de ça. C'est un DSiWare, en fait. Là. OK, ben c'est encore mieux que ce que je pensais. Ouais. Parce que moi, c'est ça. J'avais la vraie copie pour faire ma critique. Puis le jeu était 20$. Fait que, regardez, voilà. C'est belle encore économie, mieux. C'est encore mieux. Jetez-vous là-dessus. Ben ouais, très raide, là. On continue ça avec une critique. Je vais vous faire la critique aujourd'hui de Resistance 3. Vraiment, Resistance 3, c'est un jeu qui m'a tellement surpris parce que moi, les deux premiers Resistance, là, j'ai joué. Puis j'étais pas. Je pourrais pas dire que j'étais si. pas que j'étais pas impressionné, mais j'embarquais pas tant que ça dans le monde de Resistance. T'sais. Resistance, ce que c'est finalement, ça se passe des années 40. Okay. Puis on se fait envahir par les aliens, par les chimères qu'ils appellent, c'est les chimériens. C'est des espèces de d'extraterrestres qui viennent pour nous anéantir, qui veulent envahir la Terre, qui veulent envahir le territoire. Ils vont commencer évidemment par les États-Unis puis tout ça, puis vont finir par se rendre au Québec à un moment donné. mais c'est ça, bref, dans Resistance 1 et 2, on se concentre un peu sur cette espèce de domination de la Terre-là. Puis, on n'a pas vraiment, dans le premier puis le deuxième, de sentiment d'appartenance avec le personnage principal qui était Nathan Hale, qui est un personnage qui, avec le temps, a un virus, reçoit le virus des chimères qui fait qu'il se transforme peu à peu en chimère lui-même. Okay. Puis qui va finir, attention, spoiler, arrêtez le podcast si vous voulez pas, mais... il va finir par en mourir, par se faire tuer. Puis dans Resistance 3, on est l'homme principal de la résistance, puis on est le personnage qui a tué Nathan Hale. Donc, oui? Attends, on est Nathan Hale? Non, Nathan Hale, on l'est dans le premier puis le deuxième. OK, dans le 3, excuse, on est... Puis à la fin du deuxième, okay. il se fait tuer par un homme qui va être le chef de la résistance. puis cet homme-là, c'est notre personnage principal, dont, je suis désolé, j'oublie totalement le nom, mais à place, je vais vous parler du jeu tout simplement. C'est un bon jeu, là. Moi, je regarde ça, là, je me dis, bon, un autre shooter, là, puis on s'en fout un peu, non? Excusez-moi, je suis pas... Non, mais c'est ça, mais... Je trouve tellement qu'il y a des fois, là, il y a rien que ça, des shooters, puis des shooters. Les first-person shooters, il y en a en tabarnouche. Il y en a vraiment énormément, puis moi aussi, je suis un peu comme toi, je me dis, bon, un autre first-person... je trouve qu'il y en a pas mal, il y en a pas mal trop, mais celui-là, il est vraiment excellent tout de suite en partant, je peux vous le dire. Là. Okay. C'est juste que déjà, au départ, l'ambiance est là, on commence, on est dans un souterrain, t'as vraiment l'impression que c'est la fin du monde, tu vois du monde qui sont maganés, qui ont perdu des membres, tu vois des familles qui sont là, qui sont tout pauvres, un homme qui essaye de consoler sa petite fille, qui arrête pas de pleurer, ça va mal en tabarouette. Ouais. Tu te sens pas bien direct en partant. Puis, toi, tu vas devoir avancer là-dedans, puis tu vas devoir défendre ton territoire. Puis, les jeux de fusil dans Resistance 3 sont vraiment hallucinants. Ce qui arrive, c'est que tu as des armes principales, tu as plein d'armes. Tu vas commencer avec 2-3 armes. Tu vas avoir évidemment bon un shotgun, tu vas avoir une mitraillette, puis tu vas avoir aussi un des fusils des chimères, justement, une espèce de mitrailleuse hyper puissante. Mais ce qui est le fun, c'est que il y a tout le temps un tir secondaire à cette arme-là. Donc, admettons que tu as une mitrailleuse, ben, tu vas pouvoir tirer une espèce de projectile qui va se coller à l'ennemi, puis l'ennemi va garder ce projectile-là sur lui. Fait que quand tu vas tirer, les balles vont tout le temps aller vers lui, ouais, hein? Comme des missiles. Des fois aussi, tu vas pouvoir avoir... Il y a ce qu'on appelle le foreur, qui est une arme qui voit à travers les murs. Mais là, en plus de ça, on a mis des projectiles explosifs. Ils ont vraiment amélioré toutes les armes qui existent dans Resistance. Donc, les armes sont ce qu'il y a de mieux de ce jeu-là, parce que c'est vraiment la première fois que je vois un jeu qui prend des armes aussi simples au départ, puis qui les améliore tellement. Il y a des espèces de grenades qu'on lance qui vont pouvoir... tirer des projectiles à gauche puis à droite, d'autres armes qui vont juste lâcher une espèce de gaz. Il y a un tir qu'on peut avoir qui permet de donner une certaine mutation, que le personnage se retrouve avec plein de bulles sur lui, puis va finir par exploser, faire exploser le monde autour de lui. Okay. Donc, ça, c'est juste un petit aperçu des armes, puis c'est vraiment génial. En tant que chef de la résistance, bien évidemment, la résistance, on n'est pas tout seul. Puis, les gens qui sont autour de nous, qui essayent de nous aider à nous avancer, sont bons. Sont capables de tirer sur les ennemis, puis sont capables de réussir, mais sont pas trop bon non plus. Okay. Comme moi, j'ai joué à Socom 4 cet été, puis dans Socom 4, si tu décides que tu fais rien ou tu tires à quelque part que tu n'étais pas supposé tirer, ben toute ton équipe va mitrailler les 30 quelques personnes qui s'en venaient vers toi, puis tu n'auras plus rien à faire parce qu'ils sont trop bons. Okay. Fait que ça, c'est pas mieux non plus. Mais là, dans Resistance, c'est vraiment très, très bien dosé. Ça fonctionne à merveille. Puis, il se passe tellement d'affaires dans les tableaux, là, je veux dire... Ouais, hein, il y a du stock quand même. Ah oui, il y a vraiment du stock, ça revole de tout bord, tout côté. Puis, les ennemis sont quand même assez variés. On a les chimères normales, mais après ça, on a des espèces de chimères qui sont volantes, qui vont être difficiles à attraper. Puis, pour certains ennemis, certaines armes. Donc, vraiment, il va falloir utiliser tout le temps une technique différente pour pouvoir tuer certains types d'ennemis. Fait que moi, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que ça demande quand même une certaine stratégie à ce jeu-là. Tandis que dans un first-person shooter, la stratégie, c'est plus souvent « cache-toi ». Ouais, ben, rentre dans le tas ou « cache-toi », puis sort au bon moment pour le tirer. Ouais, ouais. Là, c'est pas ça. Puis, les ennemis, si t'es caché, ils vont venir te chercher. Là. Ils attendront pas trop longtemps. Donc, ça, c'est vraiment génial. J'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Une chose qui est complètement ridicule, c'est quand il monte une échelle. Quand on monte une échelle, l'animation est dégueulasse. Je sais que c'est un détail stupide. Non, mais ça tape sur les nerfs. Des fois, c'est, je trouve ça ridicule. C'est à toutes les fois qu'il monte sur une échelle, c'est vraiment drôle. Donc ça, je trouve ça vraiment plate. Mais bon, regarde, là, c'est pas grand-chose. Là. Bref, l'ambiance, comme je vous ai dit, elle continue sans arrêt. Il y a, à un certain point, tu vois que le personnage est désespéré parce qu'il se retrouve tout seul. Il voit des gros vaisseaux détruire des villes complètes. Puis il pense que sa famille est décédée, tout ça. À un moment donné, même on le voit dans l'annonce, il se retrouve dans un univers complètement glacial, puis il trouve un vieux micro, puis il parle à sa famille, puis il dit, tu sais, s'il y a quelqu'un quelque part qui entend, blablabla, j'ai tel message. Tu regardes ces scènes-là, puis les scènes vont te faire de quoi? Ouais. Tu sais, c'est vraiment réussi, puis pourtant, c'est un jeu, je veux dire, c'est un first-person shooter où tu tires des bébites. Puis moi, être ému par une histoire où tu tires des bébites, j'ai un peu de misère, tu sais. Puis ouais, là-dedans, ils ont vraiment réussi, ils ont réussi à venir me chercher. Aussi, bon, on parlait de l'énergie. L'énergie dans Resistance, c'est une énergie qui n'est pas régénératrice. C'est la façon de retrouver notre énergie, c'est de tuer des ennemis puis d'aller chercher cette énergie-là. Donc, on te force à sortir tout le temps de ta cachette. Tu peux pas être un petit sniper camper là, qui reste dans le coin qui attend que ça finisse. Ça marche pas comme ça. Puis, il faut tout le temps éliminer tous les ennemis avant de sortir de ton trou. Donc, ça, c'est vraiment fort. Puis on change d'environnement, d'univers sans arrêt. Les décors, les environnements, les particules, tout est superbe, vraiment. C'est Naughty Dog qui a fait ça. Puis chapeau, c'est vraiment le plus beau jeu qu'ils ont fait jusqu'à la date. C'est vraiment top-notch. J'ai été un peu déçu par la finale. Ben franchement, j'ai trouvé que le dernier tableau était le pire de tout le jeu. Le jeu m'a conquis, j'étais ému tout le long. Okay. Mais là, la fin, j'ai vraiment pas aimé ça. Le multijoueur, j'ai pas joué encore, mais j'ai du feedback du multijoueur de plein de monde. Puis tout le monde me dit que c'est vraiment génial, justement à cause des armes. Il y a vraiment un fun noir à avoir avec ça, qui est complètement différent des autres shooters. Donc vraiment, Resistance 3. C'est un achat à coup sûr, c'est tellement bon, c'est vraiment un first-person shooter qui va vous mettre dans tous vos états. J'ai eu peur dans ce jeu-là, j'ai été ému, j'ai trouvé que l'action était écœurante. T'es un gars sensible. J'étais un gars sensible, tu sais. Mais non, vraiment, tu sais, c'est quel bon jeu, puis quelle belle réussite. C'est vraiment super bon. Moi qui n'avais pas aimé tant que ça les deux premiers, c'est déjà une très grosse réussite. Il s'est passé la même affaire avec Killzone. Killzone 1 et 2, je suis comme, mais whatever. Mais le troisième, je l'ai vraiment aimé. Donc, vraiment, allez acheter ça. Génial. Bon, ben moi, je vais vous parler d'un jeu de Nintendo qui me tient particulièrement à cœur. C'est pas un jeu que j'ai joué pendant mon enfance là longtemps puis que j'ai acheté puis tout, j'ai juste joué, je l'avais loué une fois ou deux quand j'étais plus jeune, puis J'avais pas accroché plus que ça, mais je me souvenais d'une chose. Ah, oh, je vais en reparler plus tard. Donc, ce jeu-là s'appelle Journey to Silius. C'est un jeu que j'ai racheté il n'y a pas si longtemps, que j'ai redécouvert l'année passée. Puis, c'est un jeu fait par Sunsoft et aussi apparemment Tokai Engineering. Là, j'ai pas fait de recherche. Je sais pas si Tokai Engineering, c'est Vic Tokai. En tout cas, c'est sorti sur le... Ça se peut, hein? C'est Vic Tokai. C'est sorti sur le NES en 1990. Donc, tout d'abord, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que c'était supposé être le jeu de Terminator, le premier. Ah, ouais? Ouais, c'est ça que c'était supposé être. Puis, finalement, Sunsoft a comme perdu la licence à la dernière minute. Okay. Puis, terminé, il n'était plus supposé avoir de jeu pantoute. Mais ce qui est arrivé, finalement, ils ont décidé de faire le jeu pareil. Puis, ils ont tout enlevé les éléments de Terminator dedans, okay. Les éléments clés, mettons le sprite, là, le personnage principal. Ouais. Ils ont changé l'histoire, ils ont changé une couple d'affaires. Mais on sent beaucoup l'univers de Terminator là-dedans, surtout dans le premier stage. Là. Moi, j'avais joué à ça quand j'étais petit, le premier niveau, là, c'était un wasteland là, total, cybernétique, tu sais, puis tout. Puis moi, j'étais, mais ça fait tellement Terminator, ça, tu sais. Puis le boss de fin, c'est pas un spoiler, là, c'est un Terminator, une espèce de gros squelette de métal, tu sais. Okay. Fait que ça, c'est bien cool. Dans deux squelettes. Ouais. Puis dans la musique d'intro, au début, quand tu laisses aller l'histoire jusqu'au bout, à la fin, ça finit avec le beat de Terminator. Ah ouais, le premier, en plein ça. Ah ouais. C'est vraiment, vraiment cool. Ben, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Internet est un peu flou là-dedans. Là. moi, il y a plusieurs options, là, mais des plus intéressantes, je trouvais que c'était peut-être parce qu'à la même année, Sunsoft développait Batman. Okay. Et peut-être que c'était comme trop d'ouvrage pour eux autres de faire deux grosses sorties de films dans une année. Fait qu'ils ont comme ils ont cochonné un peu Terminator, ça n'a pas marché. Soit ça, ou oublions pas qu'on était en 90, Terminator 2 sortait un an après. T'sais. Fait que peut-être ils se sont dit, écoute, à quoi bon perdre notre temps à faire un jeu de Terminator? Le 2 sort l'année prochaine, puis il va être sur le Super Nintendo, puis il va être sur le Nintendo, puis il est à l'arcade, puis il est partout. Fait que fuck Terminator 1. Moi, je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé. D'après moi, c'est ça. Mmh. Donc, l'histoire, la nouvelle histoire. On est Jay McCray, un petit garçon, un ado. Ouais, c'est ça, il dans un beau saut cybernétique. Puis notre père, en fait, c'est un scientifique qui développait une colonie dans un système solaire, une colonie d'humains, dans un système solaire Silius. Excusez-moi. Parce que la Terre est trop pleine, il n'y a plus de place. Donc, ça se passe ça dans bien, bien longtemps, dans un autre calendrier, là, puis tout, puis tout. Okay. Puis, un jour, cette colonie, là, est attaquée par des... est attaquée et détruite. Le père meurt, le laboratoire, tout pète. Puis, Jay, il découvre plus tard sur un... Ça, c'est très drôle, sur un floppy disk. Puis, ils te le mettent vraiment dans l'intro, ils te montrent le floppy disk. Ça marchait encore en floppy disk, ça a l'air, genre, des millénaires plus tard. Donc, il trouve que son père, il laisse un message sur un floppy disk. Puis, ça dit finalement que c'est des terroristes qui sont venus tout péter, là, puis tout tuer tout le monde. Or, lui, il est pas content. Puis, il se dit, ah ouais, mais aller tuer tous ces terroristes-là, moi, tout seul. Fait que c'est ça l'histoire maintenant. Okay. Donc c'est correct, là, t'sais, on s'en fout un peu en même temps, là, mais c'est pas la pire des histoires, là, mais disons que l'Internet rit pas mal de cette histoire-là en général. Donc, c'est un... comment est-ce qu'on dirait que c'est un action platformer? Ouais, action platformer, moi, je dirais. T'es armé, tu sais. Ouais. Donc, tu passes à travers les niveaux. Ouais. Tu sautes par-dessus des trous, tu tues des robots, là. Mais c'est un peu comme Megaman. T'sais. Ben, ouais, mais moins rapide. Moins rapide. C'est dur à dire. C'est pas nouveau, tu sais. C'est générique. Là, t'es un personnage qui avance, qui shoot, qui saute par-dessus des trous. Ouais. C'est la base. Mais la première chose là-dedans là, qui te frappe, puis. L'affaire qui me frappe depuis tantôt. Ouais, ça. Faut peser sur pause pour sélectionner une autre arme sans arrêt. Ouais, ça, c'est un des points faibles que j'allais mentionner plus tard, là, parce que quand tu tues des boss, tu ramasses des armes. Ouais. Puis, ben, pas des boss, des boss demi-tableau, en tout cas. Puis. si faut que tu pèses start puis tu sélectionnes ton arme, tu sais. Si tu pouvais juste peser sur select et l'avoir en haut, ben non, faut que tu changes. Fait que là, ça te donne pas le goût d'échanger. Ça fait que tu te retrouves à faire le jeu tout le temps avec ton P-shooter, tu sais. Parce que anyway, t'as pas du gun tout le temps non plus, tu veux pas les gaspiller. Ouais. Fait que ça, c'est un point faible. Mais un autre point faible aussi, ben faible. C'est pas si faible, là. Au début, c'est un peu tough. Les contrôles. Parce que c'est la façon que le personnage, il vole dans les airs. Dans le fond, c'est plus réel, parce que quand il saute, tu sais, il peut pas revenir en arrière un peu, mais pas ralentir. Okay. Quand il drop d'une plateforme, il drop pas, tu sais, comme clou, tout de suite, en bas de la plateforme, il vole un peu en diagonale. Ah. Fait que ton personnage, quand il saute, quand il drop, il shear un peu dans les airs, là. Ce qui fait que tu te retrouves à sauter des fois, là, tu sautes et « Oh non, non, non! » Tu sais, c'est comme trop réel. Loin. C'est trop réel un peu pour ça, puis ça te fuck la vie, là, vraiment. Tu meurs souvent ou tu te fais toucher souvent par des niaiseries à cause de ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça un peu plat. Puis, et c'est pas facile, là. C'est pas facile. Il y a du stock, il y a pas mal de stock, puis il y a juste 5 niveaux. Mais les niveaux sont assez chargés. Puis t'as pas beaucoup de life, tu sais. Donc tu te fais macaner tout le long du niveau. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Okay? Quand tu joues à ça, tu commences le niveau, tu passes au travers du niveau. Puis là, quand t'es rendu pas mal à la fin, habituellement t'es capable de le faire en une vie, mais t'arrives bien magané. Okay. Puis avant de te battre contre le boss, t'as comme un mini-boss de fin de tableau, juste avant. Donc là, lui, vu que t'arrives complètement magané, il te tue. Ah oui. Là, après ça, tu recommences comme pas loin de lui, à peu près dans le mi-tableau. Donc là, tu fais ton mi-tableau jusqu'à lui, t'es moins magané. Là, faut que tu le tues. Mais si tu le tues au P-shooter, tu sais, il va te maganer. Pis tout. Ah oui. Donc t'as pas le choix de dépenser du gun sur lui, du gros gun. Fait que là, t'as plus de gun. Fait que là, t'arrives au boss, t'es comme un petit peu magané, t'as presque plus de gun. Donc là, le boss, il te tue. Fait que là, tu prends ta dernière des trois vies de ton continu pour faire le boss, tu sais, fresh, finalement. Donc si t'es chanceux, tu vas tuer le boss avec une vie. Sinon, ben, tu prends un continu, tu recommences complètement au début du tableau. Okay. Donc, tu as juste 3 continus. Fait que si tu veux passer à travers tes 5 stages, t'es mieux de pas prendre de continu pendant les 2 premiers stages, là, qui sont les plus faciles. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de passer à travers ce jeu-là. Il est court parce qu'il y a juste 5 niveaux, mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus facile, puis un petit peu plus, qui nous en permettent un petit peu plus, qui nous récompense un peu plus, parce que les ennemis que tu tues, ils te donnent du gun, ils te donnent de la life. Mais la life, il en donne tellement jamais, là. Ah, vraiment, non. Là. J'aurais aimé ça que ça soit un petit peu plus permissif, tu sais, que ça soit un petit peu plus long. Comme ça, on aurait eu un petit peu plus de fun. C'est peut-être des programmeurs fâchés, justement. Ils se disent, oh, ouais, vous voulez pas que ça soit Terminator? Peut-être. Ça va être le jeu le plus hardcore de tous les temps. Mm. Mais là, écoute, je chiale, là, mais en fait, je veux pas chialer parce que c'est un excellent jeu. Faut ce qui vous frappe, la musique, là. Ah, la base rend pas justice, là, par exemple. Non, là, c'est carré, hein, comme tonne. S'il y a une affaire... Mais la musique a été carré. S'il y a une affaire que ce jeu-là est connu pour, c'est bel et bien le soundtrack. Ouais. Allez, tapez Journey to Silvia sur Internet, c'est là. C'est le soundtrack qui sort en premier. Le monde, ah, excellent soundtrack. C'est l'un des meilleurs soundtracks, vraiment. Il y était 5 à travailler là-dessus, puis ça paraît, là. Il y a vraiment de la profondeur. La plupart des tableaux, des 4 sur 5, c'est de la musique rythmée, là, c'est vraiment bon. Mais le deuxième stage, c'est tellement lugubre là, comme musique. Là. Moi, j'ai trouvé ça là, sur le bord d'être morbide. T'sais. Puis là, t'as vraiment un sentiment d'être « Ah, tu sais, je suis seul encore. Je suis seul encore dans l'espace. Mon père est mort. Je capote. Il y a des robots partout. » C'est vraiment hot pour ça. Puis les graphiques sont super beaux. C'est vraiment, vraiment bien. Là. Tout l'univers avec la musique, là, ça marche. Là. C'est vrai. Ça l'est, c'est à vous, ça. Puissant. La grosse bass qui commence. Ouais. Ben, c'est rempli de spirit. C'est vraiment. C'est vraiment. Ça dit, quand tu joues, là, ça te dérange même pas de mourir parce que tout de suite, tu tombes dans le jeu là, parce que la musique est belle. Mais le stage 1, là, vraiment, c'est la plus jiggy. Là. Thank you. Encore, hein, vraiment 40. C'est catchy, c'est super, c'est tellement bon. Ah, c'est vraiment cool. Ouais. Mais c'est ça, puis comme tu dis, tu sais, ça se retrouve vraiment souvent. Là. Moi, je regarde souvent ça. Des fois, je travaille, puis je cherche des compilations de meilleurs tunes de jeux vidéo, puis ça se retrouve tout le temps. J'en ai là-dedans. Mis beaucoup. J'en ai beaucoup parlé sur mon blog de ce jeu-là. Je l'ai mis dans des musiques du jour, des affaires, des acquisitions. Écoute, j'ai vraiment adoré ça. Puis d'ailleurs, étrangement, Gremlins 2 est un jeu fait par Sunsoft aussi. Mm-hmm. Puis je pense que c'est les mêmes 5 gars qui ont fait le soundtrack de Gremlins 2. Okay. Donc si vous cherchez du bon beat, je ne l'ai pas écouté, là, mais il y a bien des chances que ça soit très très bon. Donc, je suis fier de dire que j'ai passé à travers ce jeu-là, malgré tout, mais avec un cheat. Mais écoute, c'est pas si gratuit que ça comme cheat, là. Ça me donnait 9 continues au lieu de 3. T'sais. Et Colin, fait que, je les ai pas toutes pris, là. Puis je me suis rendu à la fin. Les boss sont pas si durs, étrangement. Celui du deuxième tableau est le plus dur, tant qu'à moi. Celui du stage 4, moi, la première fois, je me suis rendu au stage 4. Premièrement, là, le boss arrive, je suis magané, ça va pas bien. Là, je recule pour m'accoter à gauche dans l'écran, mais là, c'était comme noir, je savais pas, il y a un trou, blum, tombe dans le trou. Hey, j'étais là, je repogne à continuer, je refais tout mon ouvrage, tu sais. Hey, j'étais fâché, là, c'était vraiment cheap. Mais là, le boss est super facile. Je trouvais ça bizarre, tu sais. En même temps, j'étais un peu soulagé, là, je pouvais passer au prochain niveau, mais. Puis le boss de fin, pas si dur non plus, parce que son pattern est vraiment simple, là, en fait. Donc, tu sais, c'est un peu partagé, là, les boss, mais ils sont quand même bien intéressants, puis ils sont super beaux. Là. Vraiment, c'est un beau jeu, la musique est bonne, tu sais, le contrôle est un peu tough, mais vous allez vous habituer. Ouais. Puis en jouant, tu joues au début, t'es comme, ah, correct, tu sais, c'est pas un jeu différent, mais non, en jouant, ce jeu-là vient te chercher, tu sais, puis tu te mets à vraiment aimer ça, là. Donc, c'est ça. Si le monde le cherche, ce jeu-là, c'est un jeu qui est facile à trouver? Non. C'est pas facile à trouver, justement, parce qu'ils l'ont... C'est devenu un cult hit, là? Ouais, c'est ça. Ben, ce jeu-là a été... en même temps, c'est le mal-aimé, tu sais, pour pas... C'est une recrue qui a jamais eu sa chance, tu sais. Ouais. C'est pas juste, là. C'est vraiment pas juste. Même la pochette, tu sais. Elle est belle, la pochette, moi, je trouve. Ouais. Ils ont pris comme un screenshot, là, du premier tableau, mais ils ont rajouté comme une image de montagne en arrière, puis une lune dans les airs. Ça, c'est beau. Puis ils ont écrit Journey to Silius en orange fluo, mais ça flash, tu sais. Ça fait vraiment joli. Ça marche. Puis déjà, juste la pochette, elle vient te chercher. Tu sais, c'est ça, cette affaire-là, tu sais. C'est différent. Donc, c'est un jeu qui a pas eu sa chance, mais qui mérite, ma foi, votre attention. Là. C'est vraiment c'est pas vraiment n'importe qui non plus. Plus, tu sais, Sunsoft, ils ont fait des méchants bons jeux dans ce temps-là. Bon là. Stock, là. D'ailleurs, tu parlais de Batman tantôt. Moi, j'aimerais t'en entendre parler, un autre rétro nouveau. Absolument. Moi, c'est un de mes meilleurs. C'était vraiment un des meilleurs. Puis, est-ce qu'il y a de la fun aussi, puis de Droppy Blaster Master, oublions pas. Exact, Blaster Master, c'est vrai quand même. Vraiment, de Sunsoft, un géant. Puis, ce qui est drôle à travers tous les jeux de Sunsoft, c'est que quand tu te fais toucher, ça fait comme cul. Puis, ça, le même c'est bruit. Tout le temps le même bruit. Tout le temps le même bruit. Quand tu shootes une affaire, même bruit que dans Blaster Master, même bruit que dans. Tu sais, fait que pour ça. C'est cool, ça. Ça vient peut-être redondant, mais moi, je trouve ça le fun. Tu sais que c'est un jeu de Sunsoft, puis c'est bien d'avoir. Comme un Konami, là, quand tu fais un start ou quand tu fais un truc, c'est juste sympathique. Donc, si vous le voyez, achetez-le absolument. Ça me surprendrait énormément que ça sorte sur le Virtual Console. Mm-hmm. Ce jeu-là est un mal aimé, puis c'est pas de sa faute, là, vraiment, c'est un enfant battu. Puis, je suis très heureux d'en parler, là. Pour moi, c'est vraiment un bon jeu. Ah, ben écoute, on va attendre peut-être qu'il sorte en Virtual Console. Là, je sais qu'il y a eu des Greatest Hits de Sunsoft, là, japonais, je sais pas si c'est possible. Ça s'appelle un autre nom, là, puis, c'est dur, il l'a pas vraiment... C'est ça, je regarde présentement, puis il est pas ressorti, il est sorti par la suite dans une compilation au Japon qui s'appelle Memorial Series Sunsoft Volume 4. J'ai fait une recherche là-dessus, puis j'ai rien trouvé d'autre qu'une affaire, un truc écrit en japonais. Non, c'est ça. Mais Nintendo Power, il l'annonçait dans le temps en tant que le Terminator. Regardez, le Terminator s'en vient. Puis c'est drôle parce que c'est un screenshot, tu sais, mettons, du premier tableau. Au lieu d'avoir J comme ça, là, c'est un sprite d'un vrai personnage de Terminator. Fait qu'il y a une petite twist de différence. Et je vais la mettre sur le blog. Je l'ai trouvé, cette image-là. C'est vraiment C'est drôle. Cool, ça. Fait que... Nice. Ma foi, bafoué. Donc, moi, je vais vous parler de Space Marine, de Warhammer, à vrai dire, c'est Warhammer 40,000 Space Marine. Quand tu avais parlé du démo dans un épisode précédent. Oui, exactement, j'en avais parlé. Puis, c'est ça, moi, quand j'ai joué au démo, je me suis dit, même quand j'ai vu des critiques, OK, sur Metacritic, il y a à peu près une moyenne de 75%. Mais, pour reprendre justement Joël Martel de Fun Jouer Jeu, moi j'aime ça des 7.5. Puis t'as raison, Joël, c'est vrai que c'est le fun des 7.5. Puis le monde a tendance à oublier que quand t'as 7.5, c'est pas un mauvais jeu. C'est un bon jeu, c'est juste qu'il y a certaines lacunes. Bref, je vais vous expliquer c'est quoi ces lacunes-là tout de suite. Moi, pour commencer, déjà en partant, j'aimerais vous dire que Warhammer, ça m'intéresse pas partout. C'est vraiment pas un univers qui m'intéresse, mais pas du tout. Je trouve que des orques, des elfes, je trouve ça hilarant. C'est vraiment pas mon univers, c'est vraiment pas mon genre. Mais quand j'ai joué à ce démo-là, j'ai trouvé que la jouabilité était tellement écœurante. C'était comme une espèce de un jeu de bastion. Ça pas vraiment. Bon. Je connais pas. Moi, je connaissais Donjons et Dragons. Mais anyway, Warhammer pouvait pas. Tu pourrais donner un autre nom à ce jeu-là. Ouais. Ça marcherait. Là. Oui, c'est vrai. Je sais pas c'est quoi les liens avec l'univers de Warhammer. C'est qu'il y a des gros liens. J'ai parlé avec un gars qui aime bien gros Warhammer. Puis il m'a dit non. Il dit garde, c'est vraiment l'univers. Il dit c'est les mêmes personnages. C'est vraiment l'univers de Warhammer. Sauf que. À place d'être un jeu de stratégie en temps réel, c'est un jeu d'action. Mais c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes environnements, c'est les mêmes classes d'orques. Donc, c'est ça. Ce que c'est, au final, puis je ne m'attarderai pas à l'histoire parce que, ben franchement, je vais être honnête avec vous autres, je l'ai même pas écouté, l'histoire. J'ai vraiment, moi, je voulais rentrer dans le jeu tout de suite. Je savais que c'était un jeu, que c'était pas un hit puissant. Donc, j'ai pas trop porté attention. Je voulais juste jouer au jeu. Puis, c'est ça, dans ce jeu-là, on a deux façons de jouer. On peut tirer avec notre personnage, mais on peut aussi se battre en corps à corps. On a une espèce d'arme au départ qui est un genre de gros bâton muni en plus de ça de scie à chaîne. Donc, populaire ça, les scie à chaîne, ces guns, non? Ouais, avec Gears of War, ben, avec Gears même of El Shaddai tantôt. Hein? Y avait-tu une chaîne? El Shaddai, il y avait pas de chaîne. Okay. C'était juste le look parce qu'on voyait les pics. Oui, exact. Mais ça te prend ça à Star sur ton gun. Chaine ça, c'est ton gun. On est rendu là, mesdames et messieurs. Mais Gears of War, ils ont eu un méchant bon flash là-dessus. Quel gun magnifique. Mais bref, là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement détruire les orques. On avance dans des tableaux. C'est vraiment des... Si on voudrait comparer le jeu déjà au départ, là, on pourrait dire que c'est Gears of War avec des orques. Ça ressemble vraiment beaucoup. Là. On voit que les gens chez THQ, c'est THQ qui l'a fait. Puis on se dirait que ils ont quand même pas mal checké ce que Gears of War faisait. Notre personnage est un personnage massif avec une grosse armure. Quand on court, on sent le tableau vibrer. C'est vraiment là, tu te sens puissant. Le personnage me fait penser, il est un peu comme Marcus dans Gears of War ou comme War dans Darksider. C'est vraiment un gros personnage. Puis, il y a une tonne d'orques qui vont se ruer vers vous. Puis, ce qu'on peut faire, c'est les battre encore à corps avec notre fameuse arme qui est hallucinante. Puis, on peut lui donner des coups finaux en donnant un gros coup au sol. Ça va les étourdir. Puis après ça, tu peux y rentrer ça dans la bouche. Puis lui faire un gros trou dans le crâne. Donc, c'est super sympathique. C'est très, très saignant comme jeu. C'est très, très satisfaisant là, d'arriver satisfaisant. Là, lourd de même puis de le sacrer une volée. Tu te sens tellement puissant. Là, ça n'a aucun sens. Puis ce qui est le fun, c'est que tu te sens puissant dès le départ. Je veux dire, tu commences là, puis tu n'as pas t'es toutes full tes armes. Ben, tu n'as pas toutes tes armes, mais tu es quasiment full équipe. C'est qu'après ça, tu as des améliorations sur tout ce que tu as. OK. Puis... Ce qui est le fun, c'est que oui, il y a des ennemis qui vont se lancer vers toi, mais il y en a d'autres qui sont un petit peu plus loin, qui vont être des snipers ou d'autres comme ça. Donc, il faut que tu les tires avec le fusil approprié. Fait que c'est le fun. Le jeu te demande vraiment d'utiliser les deux techniques, tu sais, de te battre, mais aussi de tirer une couple de fois. Les ennemis sont quand même assez variés, même si c'est des orques. T'as des ennemis que c'est tout simplement des orques stupides qui vont se pitcher sur toi et qui vont juste essayer de te tuer. Il y en a d'autres que c'est des espèces de petites bébites qui se promènent par terre, puis s'ils arrivent proche de toi, ils vont exploser. Okay. Sauf que là, si on a joué à Gears of War, puis on joue à ça, on peut pas s'empêcher de faire les comparaisons parce que dans Gears of War aussi, il y a des bébites qui approchent vers toi puis qui explosent quand ils sont proches de toi. Mm-hmm. Puis il y a aussi des bébites dans Gears of War qui vont tout simplement se pitcher sur toi. Sauf que la grosse différence, c'est que contrairement à Gears of War, là, le combat en corps à corps est satisfaisant. Dans Gears of War, c'est pas le cas pantoute. Bref, là-dedans, on avance dans des tableaux qui sont un peu trop linéaires. Puis c'est là la faiblesse du jeu, c'est que le combat est très satisfaisant, le jeu de tir est très satisfaisant, sauf que on a tout le temps l'impression d'être entre quatre murs, même quand on est à l'extérieur, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Là. T'avances, puis ton tableau, tu sais exactement où tu t'en vas. Okay. Tu seras jamais perdu dans ce jeu-là. Fait que ça, c'est quand même assez dommage. Et puis en plus, les environnements sont... C'est un peu gris, c'est pas hyper attirant. Un peu sommaire. Là. C'est ça, tu sais, c'est ordinaire. T'sais. Ouais. Mais tu sais, il est beau le jeu graphiquement, il est vraiment réussi, sauf que c'est ordinaire. Tu as vraiment l'impression de voir la même affaire à toutes les fois, de voir des caisses empilées ou s'il y a des débris, ben tu sais que les débris ont été placés de façon stratégique pour que tu puisses passer comme du monde. C'est vraiment, tu sais. Ça fonctionne, mais ça aurait pu être vraiment mieux. Okay. Aussi, là-dedans, il y a un mode rage que quand tu te fais battre en masse, tu as une jauge qui monte, puis à un certain point, tu peux débarrer ça pour pouvoir te lancer sur tout le monde puis tuer tout le monde, ce qui est super le fun. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'on te force à te battre pour pouvoir gagner de l'énergie. Okay. Tu perds ton énergie, puis c'est pas une énergie qui est régénératrice. Donc, on te force à faire des finish him, si on pourrait dire, là, okay. Vraiment là, tuer ton ennemi de façon créative pour pouvoir gagner de l'énergie. Fait que ça, c'est super cool parce que ça offre un défi quand même assez puissant quand il y en a une tonne qui s'ouvre à toi parce que des fois, là, t'en as une trentaine, une quarantaine qui se pichent sur toi. J'ai pas trouvé que les boss étaient vraiment impressionnants. Ça, c'est pas merveilleux, mais c'est vraiment un jeu qui est malheureusement redondant. La seule grosse surprise que j'ai eue quand j'ai joué à ça, c'était les jetpacks. Tu peux avoir un jetpack qui est finalement le soupe de Rocketeer. Okay. Tu peux avoir des fusées dans le dos qui te permettent d'aller au-dessus du tableau, puis de descendre à un certain niveau, puis de foncer sur des orques pour les faire voler. Super le fun. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Fait que, pour ce qui est de la destruction, là, ils l'ont compris. C'est okay. Super le fun côté destruction. Les armes sont vraiment le fun. Il y a une arme que tu tires, ça fait exploser un projectile. Il y a une espèce de sniper aussi. Il y a une espèce de fusil que tu vas lancer, une grosse onde de feu, puis que ça va faire brûler tous les orques qui sont devant toi. Okay. Il y en a d'autres que ça va les dépecer. Donc, il y a une belle variété d'armes. Tu as 4 emplacements d'armes. Ces armes-là vont pouvoir se mettre à niveau au fur et à mesure où tu avances dans le jeu. Dans le jeu, il y a 20 chapitres en tout. C'est un jeu qui est quand même relativement long. Ça va durer à peu près entre 10 et... J'ai pas terminé le jeu, donc j'imagine que ça va peut-être entre 10 et 12 heures à peu près. Puis penses-tu qu'à la fin, là, t'es un petit peu tanné? Là? Moi, je suis certain que t'es tanné à la fin. Ouais, hein? Parce que moi, je suis rendu là... je suis rendu quand même assez loin. Puis je t'avoue que... Là, je savais qu'on allait en parler aujourd'hui, fait que j'ai rejoué, mais je suis pas sûr que je vais le finir. Ouais. Tu sais, il est vraiment le fun, mais j'aurais aimé ça le louer. Ouais. Tu sais, je l'ai acheté, puis je l'ai vraiment acheté rapidement, puis je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est un jeu qui a une moyenne, tu sais, mais c'est ça, c'est que c'est hyper satisfaisant, puis c'est un jeu que quand tu vas y revenir, là, tu vas jouer les 10 premières minutes, tu vas faire comme « Ah, c'est tellement cool! » Mais après 10 minutes, tu vas être tanné. Fait ouais. que c'est bon pour des petites games, c'est pas bon pour... J'ai eu de la misère à jouer des heures avec ça, là, vraiment. Là. Jouer une heure, puis changer de jeu, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je jouais à Warhammer, après ça, j'allais jouer un peu à Deus Ex, tu sais. Fait que c'est vraiment pas... Tu sais, c'est un jeu qu'il faut louer parce que c'est vraiment un bon jeu. Puis je pense que c'est vraiment un bon pas en avant pour la série des Warhammer, pour les gens comme moi qui n'aiment pas vraiment cette série-là. Mais vraiment, la prochaine fois, peut-être faire un monde qui est un petit peu plus créatif visuellement, puis peut-être un petit peu moins de ressemblance à Gears of War, parce que là, quand même, ouais, c'est très évident. Beaucoup, là. Je trouve, là. Ça ressemble pas mal. Fait que c'est ça, une location pour Space Marine. Puis si vous êtes un gros fan de Warhammer, vous allez avoir du fun, c'est garanti. C'est vraiment cool. J'aimerais ça parler de Facebook, parce que Facebook, on est là, puis on aimerait ça que vous soyez là, vous autres aussi, parce que il y a des choses qu'on écrit, qu'on dit, qu'on publie sur Facebook, qu'on va pas publier ailleurs, qu'on va pas publier sur le Twitter ou sur notre site. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir du monde là aussi. C'est vraiment le fun pour vous autres si vous voulez communiquer avec vous, avec nous, échanger avec nous autres. Des fois, comme toi dans ton cas, Dominique, il y a du monde qui ont communiqué avec toi pour ce qui est du rétro gaming, ouais, qui voulait se relancer là-dedans. Fait que c'est vraiment un bon outil, là. J'ai posé une question aussi pour savoir s'il y en avait qui avaient encore des consoles rétro chez eux. Oui. Si le monde jouait encore. Ouais. Le monde a répondu quand même. Donc, je pose pas ça dans le vide. Je suis quand même curieux de savoir. Ça nous donne un peu de jus pour parler dans les émissions. Ça ouvre des sujets, ça ouvre des portes. Totalement. Puis, c'est ça. Sur Facebook, vraiment, si vous nous écrivez, il y a beaucoup de chances qu'on vous réponde facilement. On répond. On a notre face devant un ordinateur à longueur de journée. Donc, on va certainement vous répondre. Ouais. Ça va nous faire plaisir. Ben non, on répond tout le temps, puis on aime vraiment ça, avoir votre feedback. Fait que joignez-vous à notre page Facebook. C'est très facile à trouver. Si vous ne la trouvez pas sur Facebook, ce qui me surprendrait énormément... Facebook/rétro-nouveau. Puis sinon, si vous êtes sur notre site, il y a un petit F à droite sur notre site qui va vous permettre de vous rendre directement sur notre page. Sinon aussi, il y a notre Twitter qui est toujours là. Mais notre Twitter est un petit peu plus... c'est dans l'immédiat. Donc, si votre Twitter... votre Twitter est passé, ça se peut qu'on vous réponde pas tout de suite ou qu'il soit perdu dans une coupe de tweets. Ouais. Donc, d'ailleurs, moi, vraiment, j'ai posé la question des consoles rétro sur Twitter puis sur Facebook. Puis sur Twitter, une personne m'a répondu, en tout cas aujourd'hui. C'est ça. Puis sur Facebook, là, 15-20 personnes. Ben, c'est ça. Ça va super vite. C'est parce que sur Twitter, ça passe tout droit, tu sais. Puis le monde, sur Facebook, tu peux jaser un peu. Ils disent, ouais, non seulement, oui, j'en ai, mais tu sais, ils disent, oui, j'ai ça, ouais, j'ai une Odyssey Magnavox, puis c'est mon père qui l'a. Puis, exact. Fait que, bah, c'est le fun, ça. Ah, ouais, c'est vraiment puis, cool. Puis il y a un outil de discussion sur Facebook aussi, qu'on dirait que jamais personne n'utilise. Des fois, je vais voir, j'ai déjà posé une question avec Papa Cassette là. Il y a juste Benoît Bédard qui est venu, fidèle auditeur. Oui, merci Benoît. Merci en passant, puis, mais c'est pas dit qu'on n'utilisera pas ça parce que tu peux lancer des sujets là-dedans et discuter longuement. C'est quasiment comme un forum dans Facebook. Ouais, personne n'utilise, mais ça peut être intéressant. Donc, je vais garder un œil là-dessus. Puis d'ailleurs, on garde un œil sur vos suggestions aussi. En passant, on prend vraiment tout ça en note. Je voulais revenir. Ben, il y a pas mal de... C'est ça, parce qu'il y a eu pas mal de suggestions pour le prochain spécial. Ouais, je voulais revenir là-dessus, les spéciaux. Ouais. Ben, le monde a bien aimé Castlevania, puis moi aussi, j'ai bien aimé ça. Ouais. Je disais, c'est ma série, fait que ça allait tout seul. Donc, pour revenir à Jean-François Chabot, qui nous avait proposé Megaman, on avait dit dans l'autre épisode qu'on allait sûrement le faire. Mais, boy, on a fait nos recherches, puis on s'est rendu compte qu'il y a genre 103 Megaman. Puis, moi, je suis loin d'avoir joué à tout ça. Là, toutes les Battle Network, les Legends, tu sais, j'ai pas joué sûr, à ça, tu sais. Puis, j'en ai joué beaucoup, là, mais c'est clair qu'on peut pas passer à travers tous ces jeux-là. Si on veut s'attaquer à une grosse série comme ça, écoute, Zelda, Mario, Megaman, on pourra pas toutes les faire. Il y en a ben trop. Mais, c'est certain. En tout cas, on a mis ça sur la glace, là, Megaman, pour là, ça nous a fait peur. Mais on a un autre spécial en tête. Puis, on va probablement l'enregistrer bientôt. Il va falloir qu'on s'y mette. Ouais. Puis on va continuer à en faire des spéciaux. Ouais, ouais. Mais pas Megaman, pas de suite. Non, c'est sûr. Tu veux qu'on l'annonce, notre prochain spécial? Je sais pas, on va dessus, on l'annonce tout de suite. On a envie. On a envie. On peut l'annoncer pour une fois qu'on annonce quelque chose à Rétro Nouveau. Fait que le prochain spécial de Rétro Nouveau, ça va être sur la série Ninja Gaiden, qui est une série qu'on adore. Puis, heureusement, contrairement à Megaman, ben, on a joué à tous les Ninja Gaiden, moi et Dominique. De façon combinée. C'est ça. T'en as joué que j'ai pas joué et vice-versa. Donc, exact. On va être bon pour couvrir, je pense, la totalité de Ninja Gaiden. Parce qu'on veut pas faire non plus, on veut pas faire un spécial pour faire un spécial. Faut qu'on y aille jouer, faut qu'on ait une opinion sur ces jeux-là. Parce que sinon, c'est de parler dans le vide puis juste de vous rapporter des informations que vous pouvez trouver sur Internet. C'est un peu plate, ben, mais aucune saveur. C'est pour ça que c'est touché, les spéciaux. Pour ça, faut qu'on ait joué puis qu'on ait aimé ça puis qu'on ait ça dans notre tête vraiment. Parce totalement. Que, si c'est juste une job de recherche pour nous, premièrement, ça va nous emmerder. Ouais. Puis deuxièmement, on n'aura pas de fun à faire ça. Ouais, deuxièmement, ça servira pas à grand-chose. Ah non, c'est sûr. C'est certain. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, bref, on se termine ça là-dessus. Puis merci beaucoup encore de nous suivre sur Twitter, sur Facebook et évidemment de vous abonner à notre podcast. Vous pouvez vous abonner via iTunes si jamais vous avez de la misère ou vous avez une autre plateforme que iTunes ou iPhone. Vous pouvez télécharger la version MP3 directement sur notre blog. Donc merci beaucoup. Il y a beaucoup de monde aussi, excuse, qui la ramène avec le fil RSS. Oui. Écoutez, on va en parler. Là. On n'est pas des techniciens, nous autres, là, puis on a eu des sales problèmes là, à toute méga la problème. Le show a été retardé pendant 3 semaines là, à discuter avec les hébergeurs, à discuter d'un bord puis de l'autre. Puis ça nous a vraiment découragés. Là. Ouais. Donc là, on a fait ce qu'on pouvait. On a fait un redirect, finalement. Ouais. C'est pour ça que quand vous arrivez sur notre site, c'est pas retronouveau.ca, c'est retronouveau.tumblr.com. Fait que on l'avait au départ, puis là, ça a tout cochonné, ça a fait un bordel pas possible. Donc, on est revenu à la solution de base parce qu'il fallait qu'on commence le show un jour exact. Ou l'autre. Là. Puis le fil RSS, ça va venir. On sait juste pas comment faire. Mais c'est parce que aussi, en même temps, là, ce qui est le plus important, c'est que vous puissiez avoir une façon de l'écouter. Ouais, c'est ça. On aimerait bien ça que ça soit optimal pour tout le monde. Mais nous autres, déjà au départ, c'est juste de savoir que, bon, vous avez une façon de vous procurer le MP3, c'est merveilleux, le MP3 ou la version améliorée. Ce qui est le fun aussi en passant, si vous êtes présentement en train d'écouter le MP3, c'est que la version améliorée sur iTunes, il y a aussi des images. Puis allez-y, parce que surtout pour le spécial Castlevania, Bruno a travaillé. Hey, je me le suis travail donné, de là. Dieu là-dessus, à tout trouver les pochettes de toutes les Castlevania, puis à faire le montage, puis que ça fait bien dans un carré. Donc, c'était là, avec les chassettes. Laissez pas les efforts de Bruno en vain d'écouter les versions améliorées. Dans votre iTunes, vous allez voir là, à la place où est-ce que la pochette de CD qui apparaît, normalement, totalement. Les images y apparaissent. Là, donc, ça vaut la peine. Là. Non, puis s'il y a aussi s'il y a un sujet ou quelque chose dont on parle qui ne vous intéresse pas nécessairement, vous pouvez partir au chapitre suivant à partir de iTunes. Absolument. Chose qu'on ne peut pas faire avec un MP3. Donc, c'est bien intéressant. Donc, bref, si jamais vous ne pouvez pas faire tout ça, de toute façon, on va toujours vous offrir la version MP3. Puis, écoutez, si jamais à un moment donné, on peut faire un fil RSS sans massacrer tout ce qu'on fait présentement. Ouais, c'est ça. On a bien peur de remettre tout ça. Là, c'est de ça qu'on a peur. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur partout. Il y a même Frank The Tank qui m'en a parlé d'une dernièrement avec l'analyse des geeks. Donc, c'est sûr que ceux qui font du podcast ne tiennent pas à ces cauchemars-là. Donc, s'il y a une façon sécuritaire de le faire, on va le faire. Sauf sinon, on vous offre quand même la version alternative en MP3. Ouais. Donc, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci, salut. Bye. Retro Nouveau.